Mookie Boat. Jungle 3. Écoute nos phrases, tu finis avec la gueule de bois. Y'en a pour qui depuis le départ la vie n'est qu'une partie de plaisir, et d'autres pour qui elle n'est qu'une douleur qu'ils essayent d'apaiser. On n'est pas du genre à se plaindre, on tente de faire le plat, on se bat un gros bar, on fait le point et on repart au combat. Certains font carrière dans la dope, je dope ma carrière. J'avance pas, je vais pas en plus me poser de barrière. J'arrive dans le rap par culon, pas besoin de surveiller mes arrières. J'ai besoin de personne pour construire, je pose moi-même les pierres. On a les pieds ancrés dans le béton et sa réalité. Tant de choses illicites, on y touche avant de regretter. J'ai pas mis un pied dans le crime, pourtant je vois ma mère s'inquiéter. Envers elle, j'ai trop de dettes, donc je ne pourrai jamais m'acquitter. Quitte à tout quitter, certains sont prêts à mettre de côté ceux qu'ils sont pour répondre aux côtes, avoir leur code grimpé. À l'heure où beaucoup s'inventent une vie comme un scénariste, on garde la tête sur les épaules, même si la vie offre des scénaristes. Abracadabra, ça doit des sous, y'a plus personne dans les parages. Sache si tu te laisses faire, frère, on barre à ta place. Ça parle de clé de bras, de garde, de garba. Y'a quand tu fais le ménage que tu finis au car. Abracadabra, ça doit des sous, y'a plus personne dans les parages. Sache si tu te laisses faire, frère, on barre à ta place. Ça parle de clé de bras, de garde, de garba. Y'a quand tu fais le ménage que tu finis au car. Tu parles de WAM, mais tu t'es vu sans blague, je m'en tape. Ça fait longtemps que t'es dans le rap, on croirait que tu débutes. Les soignants se montent, yes, t'as des textes de barge. Ta soirée devient pourrite, man, dès que je me barre. Je vais faire parler ceux qu'on détoute. T'es fou, on est à fond dedans, on t'encule. Content tant que les bons m'écoutent, il me reste des bouts de la prod dans l'estomac. Quand je rappe trop tard, ils s'en ont trop marre. Mookie Mook Jungle dans les gobas. Que du bon level dans les villes pour les mecs déterminés. Sors du rap, ça va barder, laisse-le faire les bails. Un, deux, trois, bref, parler. Mal. Fuck ton équipe et les autres aussi, aussitôt, aussitôt. Fuck ta chronique, on rappe mieux que toi, demande à mes toxicos. Ici y'a trop de mythos, des vrais et des gros comiques qui finissent dans les hôpitaux, dans les comicos. Rêve de bolide, on s'en bat les couilles d'aller vers la mer, on fume la verte. Bande de merde, arrêtez de faire de la merde. Abracadabra, ça doit des sous, y'a plus personne dans les parages. Sache si tu te laisses faire, frère, on barre à ta place. Ça parle de clé de bras, de garde, de garba. Y'a quand tu fais le ménage que tu finis au cas. Abracadabra, ça doit des sous, y'a plus personne dans les parages. Sache si tu te laisses faire, frère, on barre à ta place. Ça parle de clé de bras, de garde, de garba. Y'a quand tu fais le ménage que tu finis au carpla. Suffit d'un mic, une grosse prod, un projet pour que je vienne distiller. Mes phases, un stylo, le cours est gratos si tu distilles. Mookie Bro, concentration de talent comme dans Expandable. On vient foutre le bordel comme quand ton ex-femme déboule. Ville haute, ville basse, c'est au waf que ça se passe. J'fais mes classes du flow, des phases de but, c'est que le message. La jungle est mortelle comme le dernier shoot d'un junkie. A chaque texte on fait nos preuves, on n'avance pas en terrain conquis. Abracadabra, ça doit des sous, y'a plus personne dans les parages. Sache si tu te laisses faire, frère, on barre à ta place. Ça parle de clé de bras, de garde, de garba. Y'a quand tu fais le ménage que tu finis au carpa. Abracadabra, ça doit des sous, y'a plus personne dans les parages. Sache si tu te laisses faire, frère, on barre à ta place. Ça parle de clé de bras, de garde, de garba. Y'a quand tu fais le ménage que tu finis au carpa.